Cette fois, je m'attaque au film de sport. Sport fictif, certes, film parodique, certes encore, mais tout de même traité avec le sérieux requis. Alors bon, on est dans le plus pur style Rise and Fall and Rise Again à l'américaine. Tous les poncifs sont là, mais quand on sait que c'est réalisé par l'un des Z à Z, et que les rôles principaux sont tenus par Matt Stone et Trey Parker, ça prend une autre ampleur. Pour ceux qui roupillent au fond, ces deux énergumènes sont à l'origine de South Park, Captain Orgasmo, et leur chef-d'œuvre, Team America, qui fut en son temps notre premier épisode. Et de quoi nous parle ce film? De deux glandeurs qui crée un sport qui va devenir un phénomène de mode. Ils vont avoir une saison pour gagner la coupe et ainsi conserver l'équipe. Bon, du basique, mais ce qui l'est moins, c'est le sport en question. Sorte de mélange improbable entre basket et baseball où toutes les méthodes de provocation sont bonnes pour empêcher les adversaires de tirer un panier. Dit comme ça, c'est étrange, mais regardez le film, vous comprendrez bien mieux. Bon, dernier détail, l'intro sous couvert de moquerie et de cynisme est en réalité criante de vérité. Si vous n'êtes pas trop réticent à l'humour potache et excessif des deux compères, franchement, laissez-vous tenter.